L'âge, en avançant, changea la note, mais non l'instrument. Les révolutions de 1814 et de 1815, auxquelles j'assistais, la guerre, la diplomatie, la politique, auxquelles je m'en consacrais, m'apparurent comme les passions de l'adolescence m'étaient apparues par leur côté littéraire. J'aurais voulu que la vie publique mêlât le talent littéraire à tout. Rien ne me paraissait réellement beau dans les champs de bataille, dans les vicissitudes des empires, dans les congrès des cours, dans les discussions des tribunes, que ce qui méritait d'être ou magnifiquement dit ou magnifiquement raconté par le génie des littérateurs. L'histoire elle-même me semblait mesquine et triviale quand elle ne racontait pas les événements humains avec l'accent surhumain de la philosophie, de la tragédie ou de la religion. L'histoire n'était selon moi que la poésie des faits, le poème épique de la vérité. L'éloquence de même. Dire ne suffisait pas, selon moi, il fallait bien dire, et le talent faisait partie de la vérité. Je ne m'en dédie pas. Il y a dans les affaires humaines, en apparence les plus communes, un aspect intellectuel et oratoire vers lequel les esprits les plus positifs doivent toujours tendre à leur insu ou sciemment pour dignifier leur œuvre. Ce qui ne peut pas être littéralement bien dit ne mérite pas d'être fait. C'est là la littérature des événements, aussi réelle et aussi nécessaire à la grandeur des nations que celle de la parole. Lisez les annales des peuples, vous vous convaincrez d'un coup d'œil que tant qu'ils n'ont pas été littéraires, ils n'ont pas été, et que leur mémoire commence avec leur littérature. Elle finit aussi avec elle, dès qu'un peuple ne sait plus ni chanter, ni écrire, ni parler, il n'existe plus.